Radio. Cours. Circuit. Radio court-circuit. Comment vous est venue l'idée de faire une guinguette ici ? Alors, après la guinguette de septembre, du coup, qui s'est passée à Brin d'Herbe, à Vezin, le contexte était un petit peu compliqué, hein, je pense qu'on est tous au courant de ça. Et c'est vrai qu'on avait quand même envie de faire quelque chose. Et on a trouvé que c'était quand même un lieu assez sûr, en fait, où on se sentait bien aussi. Parce que Paul, on le connaît, on sait qu'il est ouvert à l'art, à la culture, au fait d'accueillir aussi. C'est pas toujours évident pour les agriculteurs d'accueillir comme ça du public sur leur ferme. On savait que Paul, il avait déjà fait ça. Et du coup, on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée. On l'a rencontré et il nous a dit que voilà, ça, c'était quand même quelque chose qui lui plaisait bien. Vous habitiez pas loin, c'est ça ? Oui, alors on a habité pendant 2 ans de l'autre côté du chemin creux à 2 minutes à pied. Et on a vécu en tant que voisins pendant 2 ans. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a rencontré Paul. Donc on voyait passer les vaches tous les matins devant chez nous. Tous les matins, tous les soirs d'ailleurs aussi. Et il s'est passé quoi sinon ici avant ? Alors, Paul, il accueille souvent la fête du lait. Ah oui. Alors, je vois Enora là qui... Enora, la fille de Paul. Voilà, qui va pouvoir peut-être, qui sait un petit peu plus ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a déjà eu des... Puis il y a Constance aussi, qui a ses lunettes de soleil, mais qui est là, qui vont pouvoir faire oui ou non de la tête si je dis des bêtises. Mais il y a la fête du lait, où du coup, qui est organisée par Agrobio tous les ans. Justement, on devait être dans ce contexte-là. On devait se situer dans le contexte de la fête du lait, donc le premier week-end de juin. Et puis ça a été annulé. Donc nous, on a quand même décidé de maintenir l'événement. Et sinon, je sais, il a déjà organisé des concerts, c'est ça, ici hein ? L'avant du comice. Et qu'est-ce que c'est, l'avant du comice ? C'était une fête pour annoncer le comice agricole qui s'est passé à Béton il y a 2 ans. Et c'est quoi ? C'est quoi le comice ? Le comice agricole, c'est une fête agricole où on invite toute la commune, une grande ferme ouverte, on va dire, où on fait découvrir l'agriculture aux gens des villes. Et d'ailleurs, il y a une visite de la ferme ici pendant la guinguette, c'est ça ? Oui, alors tout à fait, il y a une visite qui est déjà partie, donc à midi et demi. Et puis il y aura une deuxième visite de la ferme à 16h30, donc c'est une visite... Visite un peu comptée, animée, donc du coup par deux de nos collègues comédiennes. Voilà. Très bien. On est du coup là en tant que radio court-circuit, la compagnie Les Frais, avec Camille à la technique, Bastien à l'animation. Alors moi j'ai un micro volant, donc si vous voulez participer, je viens vous chercher. Et moi sur le plateau, Florence. Est-ce qu'on passe, Rick, à la météo du jour ? Bonjour à tous et à tous, et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin Météo Bonheur de ce samedi 5 juin 2027. Alors, tout d'abord, on commence avec la météo plage pour nos chers vacanciers. Les températures s'élèveront entre 30 et 35 degrés. N'oubliez pas de vous hydrater avec un bon verre de lait en soutien à nos chers compatriotes actifs agri. Drapeau vert sur toute la côte atlantique, mais attention du côté méditerranéen, on hisse le drapeau rouge sur les plates suite aux remontées des marées noires issues du naufrage de l'Aquarius 6 en novembre dernier. En ce début du mois de juin, n'hésitez pas non plus à aller vous baigner du côté des Alpes en profitant de l'ouverture des 4 lacs artificiels en haut du Mont Blanc, des lacs garantis 100% eau bio, un label Volvico Votel. L'anticyclone qui nous vient d'Islande nous ramène quelques pluies côté Est. Mesdames, Messieurs jardiniers du dimanche, n'hésitez pas à couper vos arrosoirs pour faire quelques économies. En Bretagne, les vents marins nous ramènent quelques pluies acides et orageuses. Attention aux vents violents dans le Finistère. Le soleil de plomb promet néanmoins une 6e année de canicule pour cet été, qui fera le bonheur de tous nos Parisiens vacataires présents pour la belle saison. Pour nos travailleurs, alerte pollution dans toutes les mégalopoles françaises, Toulouse au Bordeaux, Paris et Lyon au Groix. Déjà 40 degrés observés à Londres dans plusieurs quartiers. Le port du masque est obligatoire de 8h à 22h. Enfin, ce soir, sortez vos jumelles pour observer une éclipse totale de lune avec le passage des 300 satellites d'Elon Musk dans son axe. Un spectacle son et lumière dans la voûte céleste vous sera proposé à l'occasion par la station lunaire sino-iranienne. Ce soir, le soleil se couchera à 22h et nous gagnons 3 minutes de soleil. Bonne fête à tous les Manus et je vous souhaite une excellente journée. Demain, vous retrouverez Flo pour la représentation de votre bulletin météo. Merci Camille. Alors, peut-être avez-vous des réactions sur la météo de 2027. Alors, on va faire pendant l'émission des allers-retours entre présent, passé, futur. Et on aimerait avoir votre avis sur la météo du moment. Peut-être, Jean-René, vous avez quelque chose à dire sur la météo du moment ? La météo d'aujourd'hui, c'est parfait. C'est parfait pour vous, pourquoi ? Il fait doux, il fait chaud, il fait pas trop chaud. Il y a une humidité, donc c'est parfait. Ouais, de quoi vous avez besoin, vous, en tant qu'agriculteur, pour la météo ? Une température douce, 20 degrés, de l'humidité. Comme c'est essentiellement de l'herbe, c'est idéal. C'est pour que l'herbe pousse bien ? Voilà, c'est ça. Pas trop de froid. Et ce qui serait bien aussi, c'est l'hiver, qu'on aurait plus de soleil, plus de lumière. Mais ça, on peut pas changer cet effet. Et j'imagine que la météo, c'est important pour savoir quand planter, quand faucher. Quelles sont les conditions idéales pour planter, par exemple, le maïs ? Ou je ne sais pas ce que vous plantez, peut-être que vous avez un apport céréalier ? Si, on fait du maïs. Bah, l'idéal, c'est 15 degrés, et de la chaleur et un peu d'humidité pour faire pousser les mauvaises herbes au départ et pouvoir sarcler aussitôt après. Voilà le temps idéal. Ce qu'on n'aime pas, c'est les coups de chaleur. Les 40 degrés, on n'aime pas ça. Les animaux non plus, d'ailleurs. Et nous non plus. Quand on se porte bien, les plantes se portent bien. L'idéal, c'est 20 degrés. Donc, quand nous, vous pensez que quand nous, on subit pas la météo, c'est que ça... C'est idéal, oui. Quand on commence à transpirer et puis qu'on a trop chaud, ben, c'est pas mieux pour les plantes et pour les animaux aussi. Ok. Peut-être Merci. Qu'on pourrait aller voir le maraîcher, lui demander ce qu'il en pense de cette météo pour... Le maraîcher, il est du côté du marché bio local qui est sous les... Ah oui. Et Nora, comment ça s'appelle ? C'est les hangars ou sont... Le hangar à foin, ok. D'accord, bon, je vais essayer d'aller vers le marché. Je vous retrouve tout de suite. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui. Ok, c'est parfait. Allô. Bastien, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Alors, en attendant, peut-être que tu peux le ramener dans le coin. Et en attendant, on peut écouter un petit son. On est allé chercher les vaches avec Paul la semaine dernière. Et il parle un peu de la météo. Bonjour. Oui, mais j'ai eu du mal à trouver. Hein. Bon, voilà. Vous avez quoi comme terrain sur la ferme ? Ah bah c'est beaucoup des prairies. Ouais, c'est comme pour l'élevage laitier, il faut beaucoup de prairies. Donc, Et vos vaches, elles sont où ? Eh ben les vaches, elles sont dans le champ là. Et pour aller les chercher, il faudrait des bottes. Non, t'as pas de bottes. Faut vraiment des bottes ? Ah ouais, parce que là il a plu beaucoup en fait. Ok, bah non. Je peux t'en prêter. Là il a plu, tant mieux, parce qu'on est content qu'il pleuve. Mais... Ouais. Mais voilà, ouais. On va passer par là. Najou, en fait, les portails pour que là on va ramener tout le troupeau et ils vont rentrer directement dans la salle de traite en revenant. Ils doivent nous attendre. Et tu disais, quand il pleut, ça vous va à vous ? Ben moi, je suis content parce qu'il n'y a pas plu beaucoup mars, avril, quoi. Ouais. Et donc, on manquait un peu d'eau. Et ben là, c'est bien. Fait un peu froid. Ouais. Ouais, mais est-ce qu'il ne pleut pas trop ? Non, non, pas du tout. Non, non, non, non, c'est encore trop sec pour nous. Ah ouais, Oui. Moi, à mon goût, c'est encore trop sec, ouais. Et parce qu'on a eu 2 mois sans eau. D'accord. Et toi, tu fais pousser des choses pour... C'est les prairies, comme on a en face de nous, là. Ok. Et les prairies, il leur faut de l'eau pour pousser, ouais. Et de la chaleur un peu aussi. Parce que là, il a fait très froid. Je vais juste mettre la ficelle, là. Moi, j'ai 50 hectares de prairies, hein. C'est ça la base de l'alimentation de mes vaches. Hein. D'accord. Après, je fais un petit peu de maïs. Parce que quand même, l'hiver, c'est une plante qui arrive à rendre beaucoup plus que les prairies à l'hectare. Donc, bon, c'est intéressant. Et un peu de betterave. Pour l'hiver aussi. Ça permet de donner une plante vivante encore l'hiver aux vaches. Voilà, c'est l'intérêt. Hein. On la ramasse au mois de novembre, mais elle reste vivante dans le tas. Là, t'as qu'à commencer à démarrer dans l'autre sens. Elles vont nous suivre au taquet, là. Là, il y en a 47. Et là, on va partir devant. Il faut qu'on marche assez vite. Toutes les mêmes ou pas? Non, c'est que du croisement pratiquement. Ça ressort encore beaucoup en quand même Holstein, mais j'ai presque tout croisé. Il y a du Normand, enfin non, pas beaucoup. Montbéliard, Jersey, et Primo Holstein à l'origine, quoi. Je cherche à croiser toutes mes vêtements. Déjà pour la rusticité, pour éviter la consanguinité, Mais t'as commencé par les Primo Holstein, quoi ? Oui. Moi, j'ai repris la ferme en 92, suite à mes parents, en fait, qui étaient dans un élevage intensif, comme tout le monde faisait, comme... Voilà, c'est... Et puis, moi, j'ai fait le choix, petit à petit, de passer moins intensif, des vaches qui donnent moins de lait, mais qui sont plus rustiques. Voilà, ouais. Elles sont moins exigeantes, moi je trouve moins malades. Tiens, viens avec moi. Irmat, allez, viens là. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu devrais être derrière. Allez, va chercher. Elle est partie chercher quoi? Les vaches derrière. Ah d'accord. Normalement elle aurait dû venir avec nous et faire le tour, mais je suppose que là, elle revient tout le temps là. Mais je l'envoie là, on va bien voir, tu vas voir quand elle va pousser les vaches, elles vont arriver vite fait les vaches. Radio. Cours. Circuit. Radio court-circuit. On revient sur le plateau et on est avec Ronan. Bonjour. Bonjour. Toi, comment est-ce que tu vis la météo en ce moment? Comment ça se passe pour toi? Nous on est content de voir le soleil revenir parce qu'on a eu pas mal de retard cette année, 3-4 semaines de retard sur la croissance des plantes et puis sur la fourniture des plants qui étaient trop petits pour pouvoir être plantés. Donc là on essaye de rattraper un peu le retard de début de saison. Tu cultives en plein champ ou t'as une serre? Essentiellement en plein champ, ouais. Ouais, on a 6 hectares de légumes en plein champ. Et comment ça se passe en ce moment? Qu'est-ce qui pousse en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut manger? Aujourd'hui, on a concombre, salade, radis rose, les choses de vraiment début de saison. On a encore des petits stocks en betterave rouge, radis noir de l'hiver dernier. Et sinon, c'est beaucoup d'implantations, céleri rave, patates douces. Semaine prochaine, on commence le poireau. C'est beaucoup les implantations. Et après, en maraîchage, on implante toutes les semaines ou tous les 15 jours pour pouvoir récolter régulièrement, parce que nous, on fait de la vente directe, donc d'avoir toujours des choses à vendre ou presque, quoi. Ça fait combien de temps que tu es maraîcher ? Depuis 2007, je suis installé 13 ans, 13, euh, 13 ans que je suis installé à la Mézière. Ouais. Et est-ce que tu as repris une ferme, enfin, est-ce que c'est un héritage familial ou, est-ce, ou pas? Non, j'ai racheté 4 hectares à un maraîcher. Donc, les 4 hectares qui étaient déjà en bio depuis 12 ans. Et non, c'était une installation, quoi. Donc, création des bâtiments, faire venir l'électricité, le forage et autres. Mais tu as toujours voulu faire ça? Non, avant j'étais dans l'environnement, mais moi mon objectif c'était de pouvoir travailler dehors, du coup je me suis réorienté en agricole dans les années 2000, le temps de se former, d'être salarié et puis de trouver les terres et de vouloir m'installer quoi. D'accord, et tu t'es mis en bio? Oui je suis en bio, ouais. Et pourquoi tu t'es installé en bio? Moi je venais de l'environnement, donc si je m'installais c'était en bio ou je m'installais pas quoi. Ok, on pourra peut-être te poser des questions plus tard sur d'autres sujets si ça te va. C'est possible. Par exemple sur l'interaction entre des plantes et d'autres plantes, ça nous intéressera peut-être plus tard dans l'émission. D'accord, après moi je suis en maraîchage donc c'est un peu différent de la permaculture. D'accord. On travaille moins en association. Moi en association, est-ce que tu fais des tests quand même? Non, parce que nous, c'est en maraîchage, on a beaucoup de main-d'œuvre. Maraîchage bio, encore plus de main-d'œuvre. Donc, on est quand même un légume, une planche. Une planche, c'est un passage de tracteur. On reste un légume, une planche pour faciliter les interventions, quoi. Et au niveau des besoins de consommateurs, on en est où par rapport au maraîchage, tu sais, à peu près, localement, par exemple, sur le territoire, est-ce qu'il y a assez de maraîchers, par exemple, sur le territoire pour nourrir les gens qui y sont? Ça s'est beaucoup développé. Hein, depuis mon installation, il y a quand même eu pas mal d'autres installations. Après, il y a toujours des légumes où ça manque de production. Et après, on se retrouve aussi confronté à tout ce qui vient de soit de grosses coopératives ou soit de l'international où les coûts de main-d'œuvre sont beaucoup moins élevés. Alors qu'en légumes, la moitié, voire deux tiers du prix du légume, c'est de la main-d'œuvre. Donc là, on ne peut pas concurrencer du Leclerc espagnol, quoi. C'est là la limite actuellement, quoi. Et en restant local, ça vous va, ça vous convient? Enfin, est-ce que vous êtes que local ou... C'est l'objectif, on est à 90% en vente directe, quoi. D'accord, donc sur le territoire, là. Par exemple, ici même, il y a un dépôt du Clic des Champs. Donc le Clic des Champs, c'est une dizaine d'agriculteurs qui sont groupés pour vendre justement localement leurs produits. Donc on a du pain, des yaourts, du miel, etc. Ça va être le même principe avec les magasins Brin d'Herbe où on est une vingtaine de producteurs locaux et où l'objectif c'est de venir à un seul endroit mais pouvoir avoir les produits locaux de plusieurs fermes, quoi. Faire son panier. Ok. Oui, merci. Merci beaucoup. On passe à la musique. On va écouter Que Calor. Qué calor en la ciudad. Qué calor. Es imposible de aguantar. Qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor. Qué lindo debe estar el mar. Qué calor. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Qué calor, la ropa llega a molestar. Qué calor, qué lindo debe estar. la playa a caminar. Hier après-midi, à 14h, le ruban rouge a été coupé par Madame le maire pour inaugurer la dernière parcelle bétonnée en Ille-et-Vilaine. Depuis 7 ans, les fermes hydroponiques se sont développées sur les toits de béton. Les progrès de la technologie hydroponique ont fait un saut de géant ces dernières années. Thomas Pesquet s'installe dans l'espace avec toute sa famille. On en parlait depuis quelques années et c'est enfin possible. Vous pouvez acheter un terrain extraterrestre. La dernière attraction à la mode, chevaucher un satellite en faisant le tour du monde. Sensation garantie. Autre information, le capitalisme triomphant continue de triompher. Autant de challenges pour que l'avenir soit brillant. Le dernier steak provenant d'un animal appelé vache sera mangé à l'Elysée à 20h. Une nouvelle ère se dessine pour la viande grâce à la création en laboratoire, la viande béchère. Les derniers éléments du CNRIUP, Conseil National de Recherche Informatique d'Utilité Publique, révèlent un accroissement exponentiel des inégalités sociales. Le gouvernement a pris ce bilan en compte à l'Assemblée ce mercredi. Je cite M. Calon, ministre des Affaires Sociales. Nous avons lu attentivement le rapport du CNRIUP. Nous nous félicitons de ce rapport et nous ferons de notre mieux pour continuer dans ce sens. La réforme de la PAC, 7 ans après, nous ferons un retour sur l'agriculture d'avant et reviendrons sur les progrès phénoménaux et le développement d'une agriculture pour nourrir le monde et au-delà. Cette année, pour la première fois, nous exportons notre blé au-delà des frontières terrestres pour nourrir des nouveaux élevages en orbite. Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Court Circuit. Et nous avons deux invités, Enora. Bonjour. Tu as habité ici, Enora, quand même, un certain temps, j'imagine. Ouais. Qui est la fille de Paul, qui nous accueille sur la ferme. Et Jean-René, est-ce que tu veux te présenter, Jean-René ? Oui, Jean-René, je suis exploitant agricole aussi, à 2 km, 3 km d'ici à peu près. Ça dépend si on dit à vol d'oiseau ou par la route. Mais voilà, 3 km. On t'a entendu tout à l'heure parler de ton exploitation. Oui, donc c'est un peu une exploitation similaire comme Paul. La différence, qu'on est 4 associés, donc on multiplie à peu près les volumes par 4, quoi, les surfaces par 4. Quoi. Très bien. Et en bio aussi, comme Paul. On a besoin d'appeler des personnes pour la suite. L'idée, ça serait de parler de la PAC, donc de la politique agricole commune, c'est ça ? C'est bien ça. C'est bien ça. Et on a des personnes à appeler qui sont allées à la manifestation c'est 2 juin. C'était pas le 2 juin, c'était pas cette semaine, c'était la semaine d'avant. Il y avait une action, mais dont ils parleront. Pardon ? Cette semaine aussi. Oui, cette semaine aussi. Ils sont montés à Paris pour la bio à poil. Bon, alors voilà, je reprends le relais sur l'émission de radio. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, donc moi c'est Enora, je suis la fille de Paul. Donc je suis salariée le vendredi sur la ferme. Et sinon je travaille en tant que salariée sur une autre exploitation en biologique, en porc, vache à viande et production de cidre. Ok, et alors comment t'as eu envie de faire ce métier ? Bah, étant donné que je suis une petite fille de 3 ans qui évolue dans une grande ferme, entre guillemets, pour mon âge, c'était une grande ferme. Très vite, prendre le goût des animaux, d'aller donner le biberon aux veaux, d'aller traire les vaches. Très vite, ça m'est venu une évidence que c'était ce que je voulais faire. J'ai essayé de travailler, j'ai fait de l'usine, j'ai fait plein d'autres choses. Et j'avais besoin d'extérieur, des animaux et des tracteurs et tout ça. Alors c'était une passion finalement. Est-ce que tu utiliserais ce mot-là? Moi, quand je suis allé voir pas mal d'agriculteurs, et souvent, c'était un mot qui revenait en particulier chez les jeunes en lycée agricole. Bah, de toute façon, pour faire ce métier, si t'es pas passionné, vaut mieux changer. C'est un travail qui prend tout ton temps, qui prend toute ta tête, qui prend tout ton cœur. Donc, vaut mieux être passionné, sinon, vaut mieux changer de métier. Et est-ce qu'il y a des moments où on a l'impression d'être un peu... Enfin, on peut avoir peur d'être enfermé dans ce choix ? Étant donné que je suis que salarié pour l'instant, pour moi, non. Après, pour beaucoup d'éleveurs, je pense que ça peut être enfermé sur sa ferme, ne pas sortir, ça peut être... ça peut les bloquer à la sociabilisation, on va dire, au monde extérieur, mais chose qui évolue de plus en plus aujourd'hui. Et Jean-René, est-ce que tu peux parler un peu de la naissance de ce désir de faire ce métier-là ? Oui, bien sûr. Moi, en fin de compte, quand j'étais fin d'adolescence, il fallait que je commence à s'orienter. J'avais peur de me tromper dans le choix de mon métier. J'aurais pu en choisir d'autres. J'aurais pu choisir informaticien, mais à l'époque, ce n'était pas développé. Mais j'ai un peu choisi ce métier parce que, en fin de compte, il y a plusieurs activités, plusieurs domaines. Et je me suis dit, au moins, je ne vais pas me tromper, quoi. Si je vais toucher à plusieurs choses, c'est ça. Puis je m'intéresse à tout, je suis quelqu'un qui m'intéresse à tout. Donc, c'est la polyvalence, d'avoir une variété, plein d'activités différentes. Pour ne pas tomber dans la routine. Est-ce que le fait d'être en autonomie, c'est important pour toi ? C'est-à-dire de ne pas avoir de patron, par exemple. Est-ce que ça compte ? Ça a compté dans ton choix ou... Le fait que j'ai jamais de patron, parce que je me suis mis en couple directement, mis à part que je suis avec mes parents, ça aurait été pas mal d'aller voir quand même pour connaître un patron et voir autre chose que de faire que ça toute sa vie. Parce que là, du coup, je ne peux pas te comparer. C'est pas facile pour moi de comparer. Ceux qui ont vécu avant dans le domaine salarial, c'est intéressant aussi, c'est enrichissant. D'accord. Et tu n'as pas eu la possibilité pendant tes études, à un moment donné, de faire des stages longue durée dans d'autres régions, choses comme ça ? Juste quelques stages qui étaient obligatoires. Et... Okay. Et tu parlais de la manifestation tout à l'heure. C'était quoi ? Tu as participé ? Non, j'y ai pas participé. J'ai juste entendu deux, trois petites choses. J'avoue ne pas être très branchée politique agricole commune. J'ai un peu beaucoup de mal avec ça, mais il va falloir que je m'y mette. Mais j'ai entendu par rapport à la PAC. Donc c'est la FRAB qui voulait passer un petit coup de gueule, on va dire, pour se faire entendre. Et donc ils sont montés à Paris pour se faire entendre. Et donc ils sont montés donc la bio à poil. Donc ils se sont présentés à Paris en caleçon, du coup. Voilà. Par rapport à, si je ne me trompe pas, une baisse de prime. C'est ça, pas ouais. Une baisse de prime sur le maintien de l'agriculture biologique. Et pour toi, Jean-René, le choix de la bio, c'est passé par plusieurs étapes ou ça a été tout de suite ? Non, ça n'a pas été tout de suite parce qu'en 88, on ne parlait pas tellement de la bio. Et la bio, elle date un peu de 2009. Donc c'est quand même c'est un peu ancien et assez récent aussi. En fin de compte, c'est parce qu'avoir vu Paul aussi, comment il se débrouillait. La laiterie aussi, ils nous avaient proposé de passer en bio. C'est comme ceux qui vendaient nos produits, donc ça nous avait un peu fait réfléchir. Et au départ, en fin de compte, c'est pas suite un peu une anecdote. On refaisait un bâtiment, la laiterie nous donne une petite prime là, pour aider à payer la réflexion de l'architecte sur le style de bâtiment. Et 6 mois après, ils nous proposent de participer à une réunion d'information sur la bio. Pas forcément trop intéressé, mais par politesse, j'ai dit oui. Et puis j'étais à cette réunion comme ça, et puis c'est parti comme ça, quoi. Voilà, ça fait des fois pas grand-chose. Et après, la conversion s'est fait 6 mois dans notre tête, parce qu'il faut se convertir dans sa tête, puis après, ça va vite, quoi. On se convertit d'abord dans sa tête, et après, concrètement, et après, on convertit les terres, et okay. C'est comme ça, et les animaux. Voilà. Bon, merci beaucoup. On va passer au coup de téléphone. Oui, au téléphone, on a Vincent et Gwenen qui vont nous parler de la PAC. Alors, je vais vous brancher. Ah. Camille, t'es prête pour la tranche ? Vous nous entendez ? Ah oui, oui, oui. Bonjour. On vous entend. Super bien. Bonjour, bonjour Gwenen, bonjour Vincent. Allô ? Oui, oui, on t'entend. Bah, je vais commencer. Donc, moi, je m'appelle Gwenen Montagnon. Je suis installée depuis 3 ans maintenant avec mon conjoint Louis sur une ferme de 38 hectares. On travaille avec des vaches laitières. On fait du lait qu'on livre à Biolay. Et donc, on a 38 vaches sur 38 hectares. On est en système fourrager autonome et herbager. Et on est en bio et on diversifie en vendant du grain pour les poules, pour les particuliers, et bientôt du grain pour les poules, pour les particuliers, et bientôt du jus de pomme et du vinaigre. Voilà. Et moi, je ne suis pas encore tout à fait installé. Moi, je suis pas loin, je suis en cours d'installation. Je suis en train de récupérer 2 hectares de terre pour faire du maraîchage biologique, diversifié. Voilà. Et donc, c'est une installation qui est prévue en fonction de quand j'ai récupéré les terres pour dans un an et demi ou deux. Dans 1 ou 2 ans, voilà. Parce que c'est un combat qui est long et il faut être patient. Ok, donc là, l'attente, elle est liée à quoi ? L'attente, elle est liée à la récupération de terres qui ont été préemptées par la SAFER et qui m'ont été attribuées en commission SAFER. Mais après, il y a des histoires de bornage et d'échange et d'attribution de terres qui ont des délais qui sont assez importants. Et du coup, il faut attendre un peu pour que tout soit en règle, pour que je puisse exploiter la terre et m'installer. Et avant qu'on passe à la PAC, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que ça marche en fait la SAFER. C'est une vaste question. Comment marche la SAFER Comment est-ce que vous avez des terres ou vous les avez pas, ou comment ça se passe? En deux mots, la SAFER, c'est une entreprise privée délégation de services publics. Qui est un organisme qui est là pour réguler en gros la vente, l'achat de terres agricoles et qui permet, selon certains critères, d'attribuer ou à des porteurs de projets ou à des agriculteurs existants de la terre agricole, qui est en train de se vendre, en gros. Donc voilà, ça sert à ça, la SAFER. Ok. Et alors, pour passer à la PAC, je vous appelle parce que vous êtes allé à Paris la semaine dernière, et vous vous sentez concerné. En tout cas, vous êtes contre la réforme, le projet de réforme de la PAC. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait à Paris? Bah, bon, du coup, on est monté à Paris, c'était un appel à manifester de la Confédération Paysanne, qui est donc un syndicat agricole qui défend les paysans et particulièrement, en tout cas souvent, des exploitations à taille humaine, qui défend des exploitations à taille humaine, et qui a appelé à manifester suite aux négociations qu'il y a eu sur la réforme de la PAC, et des arbitrages qui ont été faits par le ministre de l'Agriculture sur l'allocation de budget à tel ou tel type d'exploitation au niveau des subventions PAC. Et du coup, on est monté à Paris pour défendre une PAC plus sociale, pour défendre une PAC pour des petites exploitations et pour défendre l'emploi, et notamment pour arrêter l'hémorragie de la baisse du nombre d'agriculteurs en France. Et du coup, on a occupé le siège du Pôle emploi national dans ce cadre. Et puis voilà, et du coup, je ne sais pas, Gwenen, si tu veux compléter sur les... sur la réforme, oui, ou sur l'action. Vous voulez qu'on détaille l'action ou la réforme? Tu peux détailler l'action. Après, ça serait intéressant aussi de savoir en quoi ça vous impacte, vous, par exemple, sur votre exploitation. Ok. Du coup, l'action, donc, comme Vincent vient de le dire, l'idée, c'est d'occuper le siège national de Pôle emploi pour insister sur le côté social de la réforme de la PAC et dire que si... c'était assez symbolique, hein. C'était pour dire que s'il n'y avait pas de réforme de la PAC qui allait dans le bon sens, ça allait être 10 à 15 000 paysans par an qui allaient se retrouver à Pôle emploi. Et du coup, via l'occupation du siège, du siège de Pôle emploi, l'idée c'était de faire pression pour pouvoir obtenir un rendez-vous directement à l'Élysée avec Macron, parce que les négociations qu'il y avait eu, le rendu des arbitrages qui avait eu lieu la semaine d'avant avec le ministre de l'Agriculture, c'était vraiment très mal passé et à tel point que la Confédération paysanne et d'autres organisations type Agrobio ont quitté les négociations, sachant que c'était vraiment trop scandaleux ce qui était proposé. Du coup, l'objectif, c'était vraiment d'occuper le siège pour pouvoir rentrer en négociation pour obtenir un rendez-vous. Ce qu'on a eu en face, c'est énormément de répression policière, beaucoup de mépris, des grosses amendes. On a été nassé pendant 3 heures. Bref, on s'est senti vraiment méprisé par les pouvoirs publics. Il y a eu une promesse de rendez-vous à l'Élysée, non pas avec Macron, mais avec un conseiller de je ne sais quoi qui a été décroché, mais voilà, c'était vraiment pas ce qu'on espérait. Après, il y avait quand même pas loin de 200 paysans, paysannes de partout en France qui sont quand même montés à Paris pour cette action, donc c'est quand même symboliquement très très fort. Et ça prouve que ça nous touche... quand même pas mal de réussir à se dégager au mois de mai autant de paysans pour monter la capitale, ça veut dire quelque chose. Et on revient de cette action en ayant quand même mal au cœur de se sentir aussi méprisé. Rien de nouveau sur la répression policière, mais c'est toujours pas très acceptable et j'en ai encore des bleus. Ce qu'on peut dire sur l'action en elle-même. On ne connaît pas encore les suites du rendez-vous qu'il y a eu à l'Élysée. D'accord. Et on peut quand même dire qu'on est quand même 120 paysans et paysannes qui avons reçu une amende pour non-respect des gestes barrières et qu'on l'a ressenti vraiment comme une façon de réprimer une manifestation syndicale. Et que ça, c'est en plus... de la réforme de la PAC, quelque chose qui est tout à fait inacceptable en termes de privation de liberté et privation du fait d'exprimer un point de vue actuellement dans notre pays. Et c'est de la casse syndicale parce que 130 euros d'amende multiplié par 100, 150, sur un syndicat comme la CONF, ça a un réel impact financier. Donc c'est vraiment pour torpiller aussi les actions syndicales. Oui, et ça nourrit le mépris dont vous parliez aussi. Ouais. Et sur vos exploitations à vous ou futures, qu'est-ce que ça va faire? Ou alors sur globalement l'agriculture en France, cette PAC. Ce qui était demandé par en tout cas les revendications, une des revendications de la Confédération paysanne, c'est de ne plus de subventionner les exploitations à partir du premier hectare et d'avoir une majoration sur les 10 ou 20 premiers hectares et pas les 52, je crois que c'est 52, les 52 premiers hectares actuellement. Parce qu'il y a notamment beaucoup de fermes maraîchères qui ont entre 0, 3 et 3, 4 hectares qui embauchent souvent des saisonniers ou même du personnel à plein temps toute l'année pour faire des légumes. et qui reçoivent du coup quasiment rien. Donc on parle de 100 ou 200 euros de PAC pour ce type d'exploitation. Du coup, ça c'était de faire remonter que ces exploitations qui font vivre déjà une, qui proposent une nourriture locale, qui permettent de créer de l'emploi, ne bénéficient absolument pas d'aide et du coup se retrouvaient en concurrence faussée par rapport à des grosses exploitations qui ont énormément d'hectares et qui bénéficient eux de plusieurs dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'euros d'aide à la production. On rajouterait qu'on s'est pas mal fédéré autour de l'action de, d'un confédéré là, breton qui s'appelle Gwenaël Le Floch, qui est installé vers Mort de Bretagne, qui a interpellé, qui a écrit une lettre au pouvoir public et qui a interpellé sur... lui, il a une exploitation de maraîchère de moins d'un hectare. Je crois que c'est 5000 mètres carrés, quelque chose comme ça. Il embauche 6 salariés, donc c'est énorme la capacité de salariat de cette ferme sur aussi peu de surface. Il travaille au respect de l'agriculture biologique, il essaye d'avoir un site très vertueux. Et donc voilà, une ferme comme ça touche 350 euros par la PAC. Alors que y a un exploitant et entre 4 et 6 salariés à l'année sur cette ferme. C'est vraiment ridicule. Comme vous parliez tout à l'heure, c'est lié à quoi C'est lié au fait qu'il a quasiment pas de surface et qu'aujourd'hui, d'accord, la PAC en fait rémunère la surface. Ouais. En face de ça, un céréalier qui va avoir 130 hectares tout seul de céréales qui peuvent partir à l'importation, qui n'a absolument pas de normes agroécologiques ou quoi que ce soit, et pas de salariés, va toucher 20 ou 30 000 euros. On est sur des différences comme ça. C'est voilà, une des grosses revendications que la Confédération paysanne voulait porter à la toute base, avant de rentrer dans les négociations, c'était de parler d'une PAC à l'actif. Qu'en fait, dénoncer le fait que la PAC à l'hectare, en fait, c'est toujours subventionner les gros. Et plus on grossit, plus on a des subventions, plus on a des subventions, plus on grossit, et ainsi de suite. Ce qui fait des désertifications du milieu rural, ce qui fait une désertification du métier de paysan et paysanne. Et une impossibilité de s'installer aussi, parce que ils grossissent. Voilà, donc ça, c'est vraiment des modèles d'agriculture industriels qui sont subventionnés. C'est des décisions politiques de subventionner des modes d'agriculture industriels. Alors qu'en face, défendre une PAC à l'actif, donc qui rémunère non pas le nombre d'hectares, mais bien le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices, c'est favoriser l'installation, c'est de rendre beaucoup plus égalitaire l'accès aux subventions. C'est 9 milliards par an que la PAC dégage en France et doit redistribuer. Donc c'est un pouvoir énorme en fait pour influencer sur le modèle agricole qu'on peut. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une urgence écologique, on sait que l'urgence sanitaire nous l'a quand même fait apparaître aux yeux si certains en doutaient encore. Il y a une demande criante de toute la société d'aller vers plus de respect de l'environnement, plus de petites structures pour des campagnes qui vivent, de vouloir se réapproprier l'alimentation et de savoir ce qu'on a dans nos assiettes. Et il y a un double discours parce qu'on va nous dire manger 5 fruits et légumes par jour, mais là, tout l'argent va être mis dans les betteraves sucrières et les grosses céréales. Et ça impacte aussi du coup le prix des légumes. Si certains n'ont pas les subventions, ça se répercute sur le prix des aliments. Exactement. On dit que le bio est trop cher et pas accessible. Il est surtout moins subventionné. Ouais. Du coup, faut pas chercher beaucoup plus loin. Surtout que là, ça va être mal en pire parce que jusqu'à 2023, la PAC se maintient. Mais à partir de 2023, ce qu'a annoncé, laissé entendre le ministre de l'Agriculture, c'est de continuer à maintenir des aides à la conversion à l'agriculture biologique, mais plus au maintien. Oui. C'est-à-dire que les aides de 60%. Il y a une baisse de 60%, je crois, des aides pour les agriculteurs bio. Pour maintenir la reconversion. Alors, du coup, ils vont subventionner plus, aider plus les agriculteurs qui sont conventionnels et qui veulent se reconvertir en bio. Oui. Mais ceux qui sont déjà en agriculture biologique, ils ne vont pas, bénéficier, ils ne vont pas reconduire la même enveloppe et du coup, il y aura une baisse de subventions pour cette agriculture-là. Okay. Pour les bio. Il y a le réseau national des agriculteurs biologiques, la FNAP, qui a appelé à manifester cette semaine à Paris aussi. Qui a lancé une campagne, bio est à poil. Ouais, la bio à nu. Oui, j'ai vu des photos sur les réseaux. Et je voudrais juste rajouter un peu pour que les gens comprennent, c'est que on arrive à un constat d'échec complet de la PAC qui est menée depuis 40 ou 50 ans, c'est-à-dire une des missions de la PAC, c'était réguler les prix et faire vivre les agriculteurs. On n'a jamais eu aussi peu d'agriculteurs en France, autant d'agriculteurs qui se suicident dans les fermes. Un des buts de la PAC, c'était de permettre à l'ensemble de la population de se nourrir. On est entre 6 et 8 millions de Français qui bénéficient de l'aide alimentaire. Et qu'au bout d'un moment, les arbitrages du ministre ne peuvent pas nous dire « tout va bien, on continue, on fait la même chose que ce qu'on a depuis 7 ans, empire ». Et forcément, ça nous pose question sur nos métiers, sur la façon de l'appréhender. C'est absolument pas en adéquation avec ce que pense la société. Oui. Et en plus, il n'y a absolument pas ni de débat parlementaire sur cette réforme, c'est des arbitrages ministériels. Il y a un déni de démocratie, il y a un déni d'information sur ces questions-là qui ont un impact qui est énorme sur l'ensemble de la société, que ce soit écologique, mais que ce soit en termes de paysage, en termes d'appropriation de la campagne, etc. Et alors, c'est important, Vincent, que chacun se saisisse un peu des... Oui. D'ailleurs, je trouve que ça serait une bonne chose que vous soyez suivi par la population aussi dans cette démarche. Il y a des réactions en fait sur le plateau par rapport à ce qui est dit. Je pense que je peux vous laisser au téléphone si ça vous intéresse de rester. Et on va passer le micro à Jean-René qui voudrait réagir à la PAC. Ok. Jean-René, donc tu avais quelque chose à dire par rapport à ce que tu as entendu ? Non, c'est pas parce que j'ai entendu, c'est juste pour amener des informations complémentaires. Je suis pas dans les instances ni les négociations, je suis simple agriculteur. Donc on n'entend pas qu'à politique agricole commune. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment une politique, c'est juste un saupoudrage d'argent public pour soutenir un peu le revenu de tous les agriculteurs et en faisant beaucoup de mécontents. Je pense que historiquement, il y avait un soutien. Par rapport à le lait, la viande et puis la viande rouge. Et voilà. Et peut-être que demain, on devrait peut-être avoir une politique commune qui soutient les produits qu'on a besoin, entre autres les légumes, les produits qui se vendent. Quoi. Pas forcément les céréales qui se vendent à l'export ou pas forcément à l'hectare, peut-être plus à l'actif, mais aussi peut-être aux produits qui se vendent et qu'on a besoin pour la santé publique, tels que les légumes et bio aussi, pourquoi pas. Tu veux dire que c'est un choix politique aussi de cibler Si on veut faire une vraie politique, il faut faire une vraie politique. Il faut cibler nos besoins et il faut donner l'argent par rapport aux futurs besoins pour orienter la politique. Et non pas faire du soutien forcément, du soutien aux revenus et qui n'amène pas à grand-chose parce que souvent, le fait qu'on reçoit de l'argent public, on baisse nos prix. Nos prix ne sont pas là, les marchés ne sont pas là pour autant. Donc voilà, une réaction d'un simple agriculteur. Hein. On n'a pas tout entendu de ce qui a été dit. Je disais juste qu'on ne pouvait pas rester très longtemps. D'accord, ok, ça marche. On peut s'arrêter là. Oui, voilà, je pense qu'on a dit le principal. Je pense que nous, ce qu'on a envie de transmettre, c'est-à-dire qu'il faut quand même continuer une mobilisation. Tout n'est peut-être pas encore perdu et qu'il faut surtout dégager cette question-là de quelque chose de corporatiste, ça ne concerne pas que les agriculteurs. C'est vraiment un tournant politique et sociétal à prendre. Et une enveloppe de 9 millions, c'est un moyen politique. De 9 milliards, voilà. Milliards. 9 milliards, oui. Merci pour votre intervention. C'était très, très intéressant de vous avoir au micro. Merci à vous, en tout cas, c'est chouette. Ouais, merci. Au revoir et bonne journée, bon après-midi. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec un petit jeu radiophonique qu'on a prévu pour vous. C'est un quiz. Donc, un quiz sonore qui a été réalisé par Flo et Camille. Et il faut que j'aille en volant pour le... C'est ça ? Pour prendre les réponses. Alors, est-ce qu'il y a du public ? Ouais, il y a du public. On passe au quiz et après, on parlera de transmission. De transmission des fermes. Et du travail d'agriculteur. Camille ? Oui. Enchantée. De quoi vas-tu nous parler ? On va essayer d'écouter des sons. Ok. Et il faut deviner quel est le son. Il y en a 5. Et on va du plus lointain de l'humain au plus proche. Vous êtes prêts ? Oui ! Ok. C'est parti. Attention, c'est le premier qui trouve qui gagne. Hein. Alors, des réactions sur ce son ? Ça ressemble à une souris qui gratte un truc. Ah non. Il y a quelqu'un derrière qui a dit un tamis. C'est peut-être une bonne idée. Alors, bonne question. J'aurais dit un tamis aussi, quelque chose comme ça. Quelque chose qui gratte, en tout cas. Mais... Et au plateau, une idée ? Enora ou Jean-René ? Peut-être du vent, le vent qui bruit sur les feuilles. Difficile. Eh ben, pas du tout, personne. C'est une pâte à pain qu'on pétrit, que Bastien a enregistrée. La boulangère. On passe au deuxième son. C'est parti. C'est toujours la même règle, le premier qui trouve gagne. Moi j'aurais dit un cheval qui bouge, ouais. Tu disais ? Un cheval qui bouge ? Non plus, non. On s'en éloigne. On peut réécouter ? On peut réécouter, ouais. C'est l'écoute de la dernière chance. Ouais. Olivier dans le public pourrait peut-être trouver. On essaye de reconnaître des sons, c'est un quiz sonore. La préparation pour la salle de traite, à l'ancienne. Et non, c'est toujours pas ça. Olivier, une idée ? De fromage sur une planche d'affinage. Oui, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Le fait de retourner un fromage sur une planche d'affinage. Oui, c'est ça. C'était. Bravo, Olivier, bravo ! Bon, alors, on enchaîne avec un autre son. Ah, ici, on a une candidate. C'est une soucoupe volante. Je crois que c'est la traite des vaches. C'est ça ! Ouais. Deux bonnes réponses. Alors, encore un son. Personne ? Tout à fait, derrière moi, je crois qu'on a un gagnant. Ouais. Les petits cochons qui vont boire à la soupe. Ouais. Je bosse pas là-dedans, mais je reconnais. Ouais. Ah, mais je voulais pas vendre la mèche. Et je suis pas en soupe, moi, alors. Hein. Et on a un dernier son bonus à vous faire reconnaître. Laquelle? La chouette locale. La chouette est frais. C'est ça. Bravo. Et on a choisi la chouette est frais parce qu'on s'appelle la compagnie Les Frais. Exactement. Voilà. Et ben c'est fini pour le quiz. Bravo, c'était pas mal. Il y a quand même eu 3 bonnes réponses. Est-ce qu'on passerait à une page de pub? Ouais. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une parcelle achetée récemment sur des terres agricoles pour construire un magnifique lotissement tout beau tout neuf qui satisfera le porte-monnaie de nos chers concitoyens. Mais voyant les trous et les tas de terre retournés qui serviront à couler les fondations en béton, vous avez quelques remords. Quand vous voyez le montant des impôts, vous hurlez au scandale, mais vous n'avez pas l'audace de trouver un paradis fiscal près de chez vous ? Faites un don à www. Rachetez-vous une conscience écologique. www. Construisez en béton, mais sauvez un saumon. On revient radio. Ah. Cours. Circuit. Radio court-circuit. On est toujours en plateau avec Jean-René et Nora. Et on va parler de transmission. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure avec Bastien. Bastien, à ce moment-là, j'étais pas trop présente. Et c'est une discussion qui a été coupée pour prendre un appel téléphonique autour de la PAC. Est-ce qu'on pourrait reprendre cette discussion avec toi ? Tout à l'heure, on parlait de la naissance de la passion pour l'agriculture, le désir de faire ce métier-là et comment ce choix s'opère pour chacun. Vous avez raconté un peu vos parcours. Et je revenais sur la question familiale, parce que souvent, dans les trajectoires de personnes qui choisissent de devenir paysans, agriculteurs ou agricultrices, il y a un lien avec la famille, parce que des fois, on peut hériter de terres, c'est une facilité pour s'installer, mais maintenant, il y a plein de nouveaux profils, il y a des associations qui aident à... Oui. Oui. OK. Il y a plein il y a des associations comme Terre de Liens, par exemple, qui aident les personnes à s'installer... accéder à des terres, même s'ils ne sont pas directement propriétaires. Il y a plein de choses en fait, qui sont en train de se transformer dans le monde agricole pour aider justement les gens qui ont le désir de faire ce métier-là à pouvoir le faire, parce que ce n'est pas toujours simple. Et je voulais vous parler de la transmission. Par exemple, Jean-René, toi, comment tu envisages ton métier est-ce que la question de la transmission, c'est important pour toi? Est-ce que tu penses déjà à la suite? Est-ce que ça aurait du sens pour toi de transmettre quelque chose? C'est pas évident pour moi de me projeter, mais j'y pense quand même à la transmission. J'ai encore 7, 8, 10 ans à faire. J'ai deux enfants, pas forcément très intéressés, mais qui, on espère toujours, pourraient revenir, parce que je suis quand même... Là, au moins la sixième génération sur cette exploitation-là. Là, c'est bon. La sixième génération sur cette exploitation-là, donc j'aimerais bien qu'il y aurait un de mes enfants qui viendrait. À défaut, quand même trouver un successeur, transmettre mon savoir. Mon inquiétude, c'est qu'il y aura beaucoup plus de gens, il y aura manque de candidats. Donc du coup, nous transmettre quand même, il y a un outil, il y a des charges. Si on vend rien, c'est un peu notre carrière qui est un peu perdue, parce que voilà, on y compte un peu pour notre retraite. Mais s'il n'y a pas de jeunes en face, ça va être compliqué, quoi. Et pour moi, les jeunes, si on veut des jeunes demain, il va falloir les aider. Et puis il ne faudra pas qu'ils aient trop de différences avec la société. Ils peuvent avoir accès aux loisirs, accès aux sorties et tout ça. Si c'est pour s'enfermer et avoir trop de différences, et je crois que la différence s'agrandit de plus en plus. On travaille de plus en plus le week-end, on travaille les jours fériés, quand les jeux vont se promener à la mer et tout ça. Et là, ça pose un problème. Et je pense que c'est un problème de revenus. Et quand tu parles de tout, de le fait de pouvoir avoir des pauses le week-end, avoir des vacances, ça veut dire aussi être dans un mode de vie qui correspond à la vie d'aujourd'hui. Voilà, la vie d'aujourd'hui, comme nos concitoyens, avoir les mêmes droits, les mêmes avantages, et voilà. Ça veut dire le progrès. Ne pas avoir trop de différence, de décalage avec les concitoyens, quoi. Oui, profiter de la vie tant que tu peux aussi, quoi, et pas rester enfermé dans tes champs, et aussi aller voir du monde, sortir à la plage, faire tout ça, quoi. Et c'est pour ça que le monde de l'élevage, c'est plus difficile, quoi, parce qu'il y a l'astreinte. Et ça, c'est un frein, je pense. Alors, on va écouter un petit son qui parle de transmission, puis après, vous allez pouvoir réagir par rapport à ça. On va te donner le micro. Ça, c'est la plus vieille vache du troupeau. C'est Elixir. Bon, Elixir, c'est une vache qui est dressée. Hein. Elle se laisse monter. Voilà. Tu l'appelles, et bien. Voilà. C'est du travail de... Ah ouais, ça, c'est ma fille. Elle s'en est occupée. Dès la naissance, elle l'a pris régulièrement. Tous les jours, elle voulait la dresser. Voilà. Ah, celle-là, elle est là à vie. Hein. Elle ne partira jamais. Enfin, si, elle partira un jour d'élevage, mais... elle n'écarissa jamais en boucherie. Là. Elle est un peu là en pension, quoi. Ben non, elle n'est pas en pension du tout. C'est qu'elle fait partie de la famille. Non, elle est avec nous. Donc, Enora, ouais, c'est ma fille, ouais. Et qu'elle travaille dans l'élevage ? Alors, elle travaille dans l'élevage, ouais. Elle est dans un élevage de cochons en bio, sur Mélès, ouais. Elle aime les animaux. Et ici aussi, elle aime... Bah, ici, en fait, elle vient une journée par semaine, elle est salariée ici, en fait. Donc, c'est bien, elle est... Bah, ça lui fait, ouais, garder un contact avec la ferme. Que c'est peut-être la future repreneuse, j'espère. Il y a encore le temps, hein, mais bon, faut y penser à l'avant. Toi, t'as toujours voulu reprendre la ferme ? Oui. Je me rappelle, enfant, c'était mon objectif. Je voulais être paysan. Ouais. Et avec les animaux aussi ? Oui. Bon, après, je me rendais pas compte de tout ce que ça entraînait. Hein, parce que les animaux, qu'est-ce que c'est prenant Quand t'es tout seul, moi j'ai fait le choix. Ouais, je suis resté tout seul sur ma ferme, je me suis pas associé ni rien. Et ben c'est 7 jours sur 7, quoi. Avec de temps en temps un peu de vacances, mais ouais, pas beaucoup. Ça peut te permettre quand même d'avoir des employés de temps en temps pour te remplacer. Voilà, ouais, un service de remplacement. Ouais. Est-ce que tu veux réagir, Enora, à ce son qu'on a écouté ? Alors oui, déjà, Elixir n'est pas la plus vieille vache du troupeau. Non, mais il s'était trompé, mais j'ai pas rectifié finalement. Mais... Non, mais c'est pas grave. C'est... Non, après, bah oui, c'est donc... il y a Elixir, donc une parmi tant d'autres. Parce que voilà, si je m'écoutais, je garderais toutes mes vaches. Mais après, je vais pas mentir, j'aime la viande. Hein, donc, et comme je sais comment elles ont été traitées, je peux me permettre de les manger sans problème. Voilà, désolée pour les végétariens. Hein, je veux pas vexer, mais voilà. Et par rapport à la transmission, alors ce qu'il dit, c'est que tu seras peut-être... Voilà, donc je suis au jour d'aujourd'hui en grande réflexion de récupération de la ferme, donc de m'installer, donc peut-être dans un premier temps m'associer avec lui pour reprendre tout doucement, qu'il finisse de, entre guillemets, me dresser sur la ferme, sur comment travailler, et puis finir de me donner les ficelles du métier, et puis après... prendre mon courage à deux mains et m'installer toute seule comme une grande fille. Donc ça serait une passation sur quelques années ? Je pense. Après, quelques années, bon, pour lui, il va dire que c'est encore long, mais voilà, il reste 10 ans. Mais bon, 10 ans pour moi, ça va passer très vite. Donc, va falloir que je me bouge, on va dire. Et qu'on voie ça tous les deux aussi, qu'on trouve des moments pour en discuter entre deux traites. Et puis on verra ça par la suite, comment ça se passe. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, avant, le avant qu'on écoute le son, comment ça se fait en fait? Pourquoi est-ce que, comment est-ce que vous pourriez trouver des moyens de ne pas être coupé, comme vous dites, de pouvoir faire des choses, prendre quelques vacances, prendre une journée off de temps en temps? Comment est-ce que ça pourrait se faire et pourquoi est-ce que ça ne peut pas pour l'instant? Bah, y a le moyen, déjà, au jour d'aujourd'hui, il y a un nouveau système qui est arrivé pour les agriculteurs, donc les systèmes de services de remplacement, donc avec des jeunes qui sont censés être bien formés pour pouvoir remplacer les agriculteurs pour qu'ils puissent partir. Après, ça a un certain budget aussi. Ils laissent quand même leur ferme entre les mains de jeunes, souvent, qui n'est pas forcément totalement serein pour l'éleveur, parce que c'est quand même son travail, sa vie, parce que ça reste une vie, hein, donc c'est pas toujours une évidence. Donc pour eux, c'est plus compliqué de partir. Donc après, voilà, c'est une organisation, avoir une personne de confiance qui peut se permettre de venir sur la ferme pour faire le travail. Et puis eux, essayer de réussir à décrocher de temps en temps. C'est difficile de décrocher ? Non. Bah oui, c'est difficile quand vraiment on n'est pas serein de la personne qui nous remplace. Bon, moi, c'est assez facile parce que je suis associé, donc il n'y a pas vraiment de cas. On peut se poser la question, c'est qu'avant, pour retrouver, pour être remplacé dans les services de remplacement, il y avait beaucoup de fils d'agriculteurs ou les gens connaissaient le milieu. Aujourd'hui, ce milieu-là se tarit et il y a beaucoup moins de jeunes et, enfin, qui issus du milieu, donc il y en a qui viennent de l'extérieur. Et des fois, il y a des gens, je crois, qui viennent, qui n'ont pas d'expérience parce que voilà... Et du coup, c'est compliqué, quoi. Et pourquoi, en fait, il n'y a pas de candidats à la reprise des fermes? C'est lié à ce que vous... Bah, l'intérêt du métier qui attire moins, voilà, c'est ça. Et le fait qu'on est de moins en moins nombreux aussi, on a moins d'enfants d'agriculteurs. Et, voilà. Et donc, les gens qui viennent extérieur, il y en a. Ceux qui viennent, ce sont des bons. Mais voilà, quoi, je pense que ça va être un défi à relever. Enfin... Je crois qu'on aura du revenu agricole pour pouvoir attirer le monde. Et ça ne fait pas tout le revenu, mais ça peut aider à payer. Et puis quand il y a la rémunération, il y a la reconnaissance et la reconnaissance de la société aussi. Et ça, c'est important, quoi. Et pour, c'est un pour peu comme les métiers manuels qui étaient autrefois, qui étaient un peu délaissés. Maintenant, reviennent avec un peu l'apprentissage. Mais là, c'est pareil, il va falloir travailler sur ce sujet-là. Et pas toujours être défaitiste. Alors, on ne gagne pas, c'est dur, machin, se plaint tout le temps. Ça... Alors c'est vrai, des fois on peut se plaindre parce que c'est juste, mais bon, des fois il y a quand même des situations qui peuvent être assez, je dirais, où la rémunération est là et il y a quand même moyen aussi de gagner sa vie. Mais pour racheter une ferme, par exemple, si on vient pas d'une famille d'agriculteurs, ça peut faire peur quand même. Ou même accéder à des terres, c'est pas facile, comme le disait tout à l'heure Vincent. C'est vrai que c'est pas facile. Faut pas que ce soit trop facile non plus. Parce qu'il y a 50 ans, ça fait marche arrière, les gens, il y avait des propriétaires fonciers, et puis tous les 9 ans, ils changeaient d'exploitation. Parce que donc ça bougeait beaucoup, mais il faut quand même une continuité, il faut une assise. Il faut que c'est des gens sérieux. Il faut qu'ils ont l'accès, mais faut que ça se mérite. Quoi. Après, je pense que les banques, il va falloir qu'ils travaillent aussi sur ce sujet-là, trouver d'autres organisations, des systèmes, quoi, pour pouvoir aider, des bonnes DGA aussi, pour aider, quoi. Et par rapport à... Et puis aussi les cédants, qui ne vont peut-être pas être trop exigeants non plus, parce que sinon, si on est trop exigeant, en la valeur de nos reprises, les gens, de toute façon, les jeunes, ils choisiront les plus belles exploitations, hein, et puis... Et par rapport aux terres, du coup, Vincent parlait vite fait tout à l'heure de la SAFER. Il y a cet intermédiaire là aussi qui peut rendre le temps long ou pour accéder à cette possibilité d'avoir des terres ou de reprendre. La SAFER est un outil, mais il ne sera peut-être pas forcément le seul, quoi. D'accord. Oui. Tout à l'heure, Bastien parlait de terres de lien. J'imagine que ça aide aussi s'il y a une volonté de reprendre ou de se reconvertir. On peut passer à un autre PAD. PAD, c'est un autre son à écouter sur la transmission. Qu'en penses-tu, Camille? Ah oui, t'as pas de micro. Elle est d'accord. On peut passer, oui, le PAD sur les lycéens. Lycée agricole. Pour toi, c'est quoi être paysan ? Bah, déjà, on nourrit quelque chose, quoi. Enfin, on nourrit quelqu'un. Même si notre alimentation n'est pas forcément mieux valorisée et elle est exportée. Et qu'on n'a pas forcément toujours nos vrais produits qui sont mis en vente en France. Oui, c'est important pour toi d'avoir l'impression de nourrir des gens ? Bah oui, c'est ce qui est censé toujours. Enfin, c'est le métier, quoi. Paysan, déjà, c'est aimer. Aimer ce qu'on fait, parce qu'avec les heures qu'on fait, c'est dur aussi. Donc si on n'aime pas ce qu'on fait, on peut pas faire ce métier-là. Si c'est impossible de paysan, c'est prendre soin de ses vaches, c'est aimer pas du boulot vite, faut prendre du temps, mais du boulot bien fait aussi. Et paysan, oui, c'est vraiment être passionné, quoi. Sinon, ça sert à rien. Que je suis né. Oui, ça doit. Depuis que je suis tout jeune. Et oui, j'ai toujours voulu faire ça. Je suis né dedans et je compte bien finir dedans aussi. C'est dans moi, quoi. J'ai toujours grandi dedans, donc ça m'est pas venu à l'idée de faire autre chose. Enfin, c'est venu comme ça, naturellement. Au grand air, dans les grands espaces, et puis ça, c'est comme ça. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. J'ai toujours baigné dedans, puis quasiment tout le week-end, ou le soir quand je rentrais de l'école, j'y allais. Je passais quasiment mes heures à dormir derrière, sur le siège de la batteuse. Puis sinon, mon père, souvent, il prenait un coussin avec lui, puis quand il est rentré en tracteur, je dormais, j'étais allongé, sur ses genoux. Et la première fois que tu as fait des choses en autonomie, par exemple, tu t'en souviens ou... Ah oui, je m'en souviens. C'était quoi ? C'était conduire la benne à côté de la moissonneuse. J'avais 5 ans. Je touchais pas les pédales, je me débrouillais comme je pouvais. Quand j'étais petit, je voulais faire gendarme ou pompier. Et puis quand j'ai grandi, j'ai ouvert les esprits. Et puis j'ai adoré les vaches. Du coup, tout ce qui était les petits veaux et tout ça, j'adorais. Puis du coup, ça m'a donné envie de continuer dans l'agricole. Puis du coup, j'adore les vaches, alors maintenant j'ai envie d'être éleveur. Paysanne, c'était en plus utilisé dans l'ancienne époque. Maintenant, c'est plus agricultrice que paysanne. C'est vraiment les femmes de la terre, quoi. Enfin, c'est celles qui produisent... culture, enfin, on produit pour nourrir tout ce qui nous entoure. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, sans paysans, il y aurait plus beaucoup de vie parce que les paysans, ils produisent à manger, ils produisent tout ça, quoi. Faut montrer qu'on est encore vivant, on va pas se laisser abattre. Faut encore des agriculteurs, hein, parce que sinon il y aura plus de paysages. Après il y en a peut-être qui vont dire qu'on détruit les paysages, mais on les entretient aussi. Donc moi en premier temps, agriculteur, c'est pour c'est une fierté. Oui, j'ai pas honte. Quand au tout départ, il y a des années et des années, que toute la moitié de la population française était paysanne. Les gens, ils faisaient pas ça pour l'argent, ils faisaient ça pour la passion et puis pour reprendre l'exploitation familiale, quoi. Que ça se transmette de génération en génération, que ça dépérisse pas. Maintenant, beaucoup de fils d'agriculteurs s'orientent justement ailleurs, parce qu'ils peuvent avoir peur du métier, de la rémunération, des crises qu'on entend parler, tout ça. De ce qu'ils voient, en fait. Beaucoup ont arrêté tout ça, puis maintenant ça continue. Il y en a toujours de moins en moins. Puis j'ai toujours entendu dire que dans le temps, les gens ils avaient des moins grosses fermes avec moins de vaches, tout ça, et ils vivaient aussi bien, voire mieux que maintenant. Parce que maintenant, les agriculteurs, enfin pour beaucoup, ceux qui vont être par exemple dans l'intensif, ils vont se dire qu'il faut produire plus pour gagner plus, et du coup, bah, ils vont travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis bah, le revenu, il sera pas proportionnel à la charge de travail. J'aime bien l'esprit de famille et transmettre ce que j'ai fait dans ma vie. J'aime bien cette idée-là. Je pourrais pas ne pas avoir d'enfants et voir tout ce que j'ai fait dans ma vie disparaître dès que je pars à la retraite. Si je construis une ferme, si j'achète une ferme, je la fais à ma façon. Si je la transmets pas, ça me foutrait mal. Non, la ferme, c'est une histoire quand même de famille. Radio pour circuit dans les starting blocks pour cette course. Est-ce qu'elle va remporter devant la 50e passée en tête? Attention, attention! Est-ce que Radio pour circuit va gagner le championnat pour la 50e fois aujourd'hui? Oui, oui, oui, Radio pour circuit est là, attention! Tu veux réagir, Enora? Je pense que tout est dit. Tu te reconnais donc dans ce qui a été dit? Oui, oui, oui, oui. Ils ont très bien parlé. C'est... Après, voilà, on a tous nos discours différents, bien évidemment. Mais pour la majorité, oui, je suis totalement d'accord. Construire une ferme, c'est pour la partager par la suite à nos descendants. Après, j'y suis pas, j'ai encore le temps quand même. Hein, mais voilà, c'est le but, on va dire. Merci d'être venu sur le plateau, Jean-René et Enora. Merci beaucoup. Bah de rien. Camille. Donc on passe là à un PAD, si j'ai bien compris. On passe à un son, encore une fois. Et ça va parler de transmission, encore une fois. Et c'est une personne que j'ai rencontrée. Ou alors on passe au glacier ou... Ok, alors on va entendre Julien de la ferme, Julien Sauvet de la ferme de Pradennes qui fait des cochons. Et tu travailles là-bas, Enora? Ah, c'est là-bas que tu travailles, d'accord. ok, donc là où Enora travaille en ce moment. Et qui va nous parler de pommes, parce qu'il fait du cidre. Quand je disais qu'on était paysans depuis toujours, en fait, il y a dans les années 30 ou même avant, j'imagine, mes arrière-grands-parents, ils livraient les bistrots rennais en cidre, rue de la Soif et tout, en barrique. Parce que la rue de la Soif, c'était rue de Saint-Malo avant. C'était pas la rue Saint-Michel. Ah ouais. Ouais, je savais pas. Là, t'es trop jeune. Mais toi moi aussi. Trop jeune pour le savoir. Bah ouais, mais c'est ça la richesse d'être en lien avec les vieux, c'est que les vieux te racontent la vie d'avant. Et en fait, ouais, là, la rue de la Soif, c'était la rue Saint-Malo avant. Les vieux, enfin les paysans du bassin rennais, ils livraient tout, leur cidre, leur crèmerie, leurs légumes, tout ça, dans les épiceries rennaises. Et donc, on a conservé ce savoir-faire-là à travers mon grand-père qui a appris à mon père, mon arrière-grand-père surtout, qui a appris à mon père à moi, donc son grand-père à lui. Parce que mon grand-père à moi, lui, il a fait partie de cette génération années 60 où là, on était plutôt la période où on spécialisait les fermes. En lait, en cochon, en je sais pas quoi. Et donc le cidre est un peu tombé en désuétude à ce moment-là. Et donc c'est là que nous, on a quand même voulu conserver ce patrimoine-là. Et en fait, donc normalement, les pommiers, ça dure à peu près 80 à 100 ans. C'est l'espérance de vie d'un humain ou d'une humaine. Et donc, l'idée, c'était que chaque génération devait replanter des pommiers pour sa génération N suivante ou celle d'encore après, pour qu'il y ait un roulement. Et donc, la génération des années 60, eux, ont très peu replanté. Il y a eu vraiment une perte des vergers bretons et d'Ille-et-Vilaine. Et c'est assez rigolo quand on va sur Géoportail, par exemple, on peut voir tout les territoires, typiquement ma ferme, il y avait la moitié, c'était des pré-vergers. Il y a du pommier partout. Et donc ça s'est un peu perdu. Et donc nous, je suis installé depuis 10 ans, et juste avant que le verger de mon arrière-grand-père tombe vraiment, soit vraiment plus viable, parce qu'à un moment, il y a tous les arbres qui... Enfin, si c'est pas entretenu depuis 30 ans, et à un moment, il n'y a plus de pommes et plus d'arbres. Du coup, on a refait greffer exactement le pommage familial pour retrouver les propriétés, les goûts du cidre sauvé, de notre cidre. Et donc, on l'a fait vraiment dans cette optique purement patrimoniale. On voulait conserver cet héritage. Et aujourd'hui, il se trouve que ça a un attrait commercial. C'est que les gens aiment bien quand les produits ont une histoire à raconter. Et donc, du coup, il y a un projet d'installation sur la ferme, là, sur le cidre et cidre, jus de pomme et compote, quoi. Du coup, c'est intéressant aussi, ça. C'est-à-dire que ce projet-là va... Moi, j'aurais rempli mon objectif, à savoir qu'on aura maintenu le patrimoine de notre famille, enfin, le patrimoine cidricole et savoir-faire. Et ça, c'était vraiment mon objectif. J'avais aucun objectif de revenu ou autre sur cette activité-là. C'était pas l'objet. De retour sur le plateau de Radio Court-Circuit. Camille, t'as pas trop chaud ? Pas du tout. Tu pourrais déplacer le parasol peut-être. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ou alors Bastien peut déplacer le parasol pour le confort de la technique. Ça va, ça va. On passe à un quiz. On peut passer à un quiz. Est-ce que le public est chaud? On vous invite à venir répondre à notre quiz. On peut peut-être se mettre un petit jingle pour lancer les foules. Dans les starting blocks pour cette course, est-ce qu'elle va remporter pour la 50e fois le titre? Attention, attention! Est-ce que Radio Court Circuit va gagner le championnat pour la 50e fois aujourd'hui? Oui, oui, oui, Radio Court Circuit est là, attention! Et on revient en plateau. Vous pouvez venir répondre au quiz. Béton ou les deux? Béton, la ville ici. Béton, le béton, ou les deux? Ok, vous êtes prêts? Alors, Flo, je pose les questions et tu fais attention pour voir. C'est toujours un test de rapidité. Hein. C'est le premier qui donne la réponse qui gagne. Il faut que je trouve un câble long pour faire ça. Ça, c'est un câble long? Ok, on dirait que ça va. C'est bon, je suis prête. Ok. Alors, attention. On trouve certaines traces de moi qui datent du néolithique, soit 5000 ans avant Jésus-Christ. Béton ou les deux? Une réponse? Alors? Béton, la ville. Béton, la ville. Béton, la ville. C'est tout le monde est d'accord? Une autre réponse? Béton, la ville. On valide cette réponse? On valide cette réponse. En effet, béton, déjà au néolithique, on a trouvé trois haches de pierre polie et quelques outils en silex. Pardon, j'ai oublié ce qu'on m'a répondu. C'était Béton-la-Ville. Béton-la-Ville. Et c'était parce bien parce que ça, la réponse est incomplète quand même. Mais la réponse est incomplète. Car le béton, déjà au néolithique, on retrouve dans son principe des utilisations au Proche-Orient. Ouais, et ensuite vient le béton romain. Au Proche-Orient, notamment dans les pyramides, on utilisait des techniques qui s'en rapprochent. Alors, on continue le quiz. Ah, on a des nouveaux concurrents. Quiz, béton ou les deux? Béton la ville, béton le béton ou les deux? Alors, j'ai une croissance exponentielle depuis les années 50. Béton ou les deux? J'aurais dit les deux, moi. Moi aussi. Et c'est les deux. Les deux, oui. Tout à fait. Ça fait l'unanimité. Explication, Camille? Oui, quand même. Il faut des chiffres. Alors, le béton, on en produisait 200 millions de tonnes par an en 1950 et on en produit 4,4 milliards aujourd'hui, une production multipliée par 22. Wow. Et béton, la ville, on a une hausse démographique exponentielle. C'est la 8e commune la plus peuplée d'Ille-et-Vilaine et la 30e en Bretagne. Quand même. Alors, on continue. Je suis fleurie et j'aime les fleurs. Je les accueille au creux de moi pour les faire grandir. Béton ou les deux? Béton la ville. Béton la ville. Une autre réponse? Non? Tu dirais les deux. Les deux. Est-ce que tu peux développer? Dans mon ancien logement à Langouette, j'avais un bloc de béton et on avait mis de la terre et ça marchait, on avait des herbes aromatiques. Donc le béton peut renfermer, faire guise de pot de fleurs. Camille ? Mais exactement, on est une très bonne candidate. Le béton, c'est le matériau utilisé pour les pots de fleurs, notamment pour les municipalités et les villes. Et béton, et c'est un village fleuri avec trois fleurs quand même labellisées. C'est pas rien. C'est pas fini. Alors, je fais des tours et des détours, je m'envole vers le haut et je retombe aussi sec. Béton, béton ou les deux. Attention. Une réponse ? Ah, on répète la question. Pardon. Je fais des tours et des détours, je m'envole vers le haut et je retombe aussi sec. Béton, béton ou les deux. Alors, une réponse ? Béton. Mais béton ou béton ? Béton, le matériau. Eh bien, c'était les deux. Ah. Donc, le béton pour le béton centrifugé, un procédé employé pour la fabrication des canalisations en béton. Mais aussi, à béton, on a le festival Looping qui commence déjà sa troisième saison cet été. Et pour finir, je suis plutôt prolo qu'agri, béton, béton ou les deux. Une réponse ? Est-ce qu'il y a une réponse dans l'assemblée, dans le public ? Oui, ah. Une tentative. Les deux ? Et du coup, c'est assez long pour développer la réponse, là. Allez-y, vous avez du temps. Ah, ça va, j'ai à peu près 30 minutes, c'est bon ? Oui. du coup, prolo agriculteur ? Ou... Oui. je sais pas par quoi commencer. Non, mais les deux, je sais pas développer, mais enfin, si je pourrais, mais je viens de passer mes examens et là je suis en vacances. Ça y est, j'ai mon rattrapage bientôt et du coup je garde mes neurones pour la semaine prochaine. Alors Camille, je vous comprends. C'était malheureusement que le béton d'après mes recherches, mais peut-être que vous allez compléter. Donc le béton qui est plutôt prolo qu'agri. Alors pourquoi ? Il a été utilisé depuis la fin du 19e siècle pour la création des logements des classes populaires, notamment c'était promulgué par Le Corbusier. Et tout ça rentrait dans des logiques d'hygiénisme, d'émancipation et de promotion qui aujourd'hui est vraiment sujet à débattre sur la qualité des constructions en béton. En tout cas en immobilier. Par contre, à béton, l'occupation des sols et surtout des terres agricoles, 85% des terres en 2018, et donc on peut dire que béton est plutôt agri, sauf si vous avez des chiffres sur les CSP de béton. J'en ai pas trouvé. Ah. Et voilà, on a fini le quiz béton. Il y a eu quand même pas mal de bonnes réponses. On a plutôt un public assez, assez bon, Flo. Assez dynamique, ouais. Dans les transats, sous le soleil. Est-ce qu'on passe à une page de pub ? Mais oui, je pense qu'on peut se lancer sur une petite page de pub. Ça va nous faire du bien. Alors, deux petites secondes. Fertilisez votre terrain en jouant les bons samaritains. Devenez les seuls garants de la pérennité de vos privilèges. Le monde va mal, vous le voyez à la hauteur de vos impôts. Être ponctionné pour contribuer à l'éducation publique, la sécurité sociale, la CAF, le RSA et puis quoi encore. Ensemble, cassons l'État-providence, défiscalisez vos revenus et en quelques clics, donnez une chance à un inconnu. Soutenez la concurrence entre pauvres. Faites un don à l'association Un Billet, Une Chance. Toutes les semaines, une personne dans le besoin recevra l'équivalent d'un SMIC auquel vous aurez contribué. Et merci Flo pour ce voyage dans le futur qui nous donne envie, n'est-ce pas ? Ah, on y est déjà. Hein. On va clôturer l'émission. Ouais. On va clôturer l'émission avec une visite. Une petite visite de ferme. Je suis allée voir un maraîcher dans sa ferme. Un maraîcher que je connais un peu, qui a été mon coloc. Et donc on va jouer les bergers et on va voir les tomates, comment elles poussent, comment elles grandissent. Radio, court-circuit. Coucou. T'es en pleine captation ? Oui. Je suis en plein boulot, comme tu peux le voir. C'est génial, votre coq, il s'appelle comment ? C'est Coquelico. Du coup, Flan, Marine, t'es bronzé ! Ouais. Incroyable. T'es un endroit où il y a du soleil, ici, il faisait moche. J'ai fait un mois ici, et là, je fais 3 semaines dans une autre exploitation maraîchère, à Champy. Et c'était quoi le plus cool ? C'était ici. Non, mais en vrai, si, c'était ici, parce que ici, tu vis sur place. Enfin, il y a une vraie vie, quoi. T'as vu nos tomates ? Non, j'ai pas entré chez moi. Ah, c'est magnifique. Je vais aller voir ça. C'est le dernier truc que j'ai fait en avril. On avait replanté les tomates. Ouais, ça a vachement poussé, quoi. Tu regardes quoi ? Je regarde... Là, si tu vois, au niveau des fleurs, je regardais s'il n'y en avait pas quelques fruits qui commençaient à se former. Là où je suis, là, ils ont déjà des fruits, mais eux, ils ont acheté des plants. Donc souvent, ça pousse un peu plus vite quand tu fais comme ça. Tu les as à maturité au bon moment, alors que Gaspard, il a fait ses propres semis. Et du coup, t'as toujours... est-ce que je les fais trop tôt, pas assez tôt ? Faut gérer toute la levée de la culture, alors que là, eux, ils reçoivent des plants tout faits, prêts à être plantés. Donc souvent, c'est plus optimal. Mais après, c'est un coût à la base, quoi. Mais bon, là, il y a quand même pas mal de fleurs sur les pieds, donc je pense que ça va venir vite. Souvent, je crois que Gaspard, il met que des variétés anciennes, donc c'est pareil. Des fois, ça peut être un petit peu plus lent que des variétés sélectionnées pour être super productives. Mais il y a du basilic en dessous ? Ouais, ça, on avait mis des petits basilics au pied. C'est une bonne association, basilic, tomate, ça éloigne pas mal d'insectes, le basilic, avec son odeur. Et est-ce qu'il enlève les gourmands, Gaspard ? Je pense. Je t'avoue que comme quand je les ai mis, on venait de planter, donc on l'a pas fait, mais je pense que la plupart des maraîchers font ça. Et là, il en reste quelques-uns, mais ouais, ceux à la base, ils ont été enlevés, donc je pense qu'effectivement, il les enlève. Il garde peut-être les derniers gourmands au cas où, parce qu'en gros, si tu casses la tête... et que tu as enlevé tous tes gourmands, ton plan il est entre guillemets fichu, il va pas plus repousser, c'est-à-dire que tu as cassé tous tes bourgeons qui potentiellement vont permettre de continuer la croissance de la plante. Ah ouais ? Ouais. Et donc si tu plantes tes tomates, parce que là j'ai entendu dire qu'il y a des oiseaux qui mangent les trucs tendres sur les plantes. Ouais. S'il y a un oiseau qui vient manger ta tête, c'est foutu ? Ouais, là si. En tout cas, là, si jamais il mangeait là vraiment la petite tête là. Et que tu n'avais plus de gourmands pour potentiellement faire repartir ton plant, ouais, il s'arrête là, quoi. C'est pas forcément le cas pour toutes les plantes, mais en tout cas, pour la tomate, ça marche comme ça, quoi. Et toi, t'es arrivé comment ici ? En fait, j'ai fini mon contrat en décembre. Je travaillais déjà dans l'agronomie, mais plus dans l'environnement. Je faisais de la modélisation sur les flux d'azote dans les sols. Et j'en avais un petit peu marre, je me sentais inutile. Et du coup, ça fait un an déjà que je me dis, j'aimerais vraiment plus travailler au niveau de la production agricole, quoi. Et plus sur des échelles locales, donc le maraîchage, je me retrouve vachement dedans, quoi. Et du coup, je m'étais dit, j'aimerais bien me faire des petites expériences. Le woofing, c'était cool parce que, bon, c'était assez simple à mettre en place, quoi. Vous avez combien de temps dans l'agronomie comme ça ? J'ai fait ça 7 ans. Ouais. Je suis sortie d'école en 2013. Après, c'était vraiment plus environnement au début. J'ai plus bossé sur les déchets d'activité économique, sur la biodiversité, la biomasse. Je suis revenue après plus sur des thématiques agricoles en bossant à l'INRA, Institut de Recherche. Et là, ouais, c'était plus de la modélisation à l'échelle des parcelles agricoles sur comment est géré l'azote apporté, l'azote minéralisé par le sol. Quels sont les risques de perdre l'azote et de l'envoyer vers les nappes ou vers les eaux superficielles, d'émettre de l'azote vers l'atmosphère. Voilà. Donc c'était intéressant hein, au tout début en fait. J'ai appris beaucoup de choses, mais à partir du moment où tu apprends moins et que tu trouves plus d'intérêt dans ce que tu fais, ou en tout cas tu sais pas à quoi tu sers, ce que tu apportes en tout cas à l'agriculture d'aujourd'hui, c'est un peu dur de continuer quoi. T'arrivais pas à penser l'application de ce que tu faisais ? Non. À la fin, pas appliqué ? En fait, à un moment, t'arrives à un niveau où le modèle, il va pas assez vite par rapport au progrès que peuvent faire les agriculteurs. Par exemple, ils nous demandaient est-ce qu'on pourrait modéliser des associations de culture et tout. Sauf que le temps de réussir à mettre ça en place dans un outil, c'est super long. Et donc eux, ils continuent à avancer dans leur coin et tu te dis, là c'est un petit peu les limites du modèle, c'est qu'on n'arrivera jamais à aller aussi vite que l'innovation qu'on peut faire sur le terrain, quoi. Au tout début, c'était utile quand tu t'adresses à des gens qui sont vraiment en conventionnel ou qui ont un petit peu des manières de faire traditionnelles sans avoir vraiment réfléchi à pourquoi ils le faisaient. Donc là c'était intéressant, le modèle leur apprenait beaucoup de choses. Et l'autre point, donc ça c'était sur la modélisation, et l'autre truc c'est que des fois on nous a demandé des études sur les impacts environnementaux, et t'as un petit peu le sentiment qu'elles sont demandées juste pour dire qu'on en a demandé une étude pour justifier d'un programme d'action ou de financement, mais que en fait elle finit un peu dans un placard, c'est juste pour dire on l'a faite, cette étude, on a demandé l'avis aux scientifiques, maintenant on peut lancer notre programme. Mais parfois, il n'y a pas vraiment de cohérence entre l'action ou le programme politique et l'étude scientifique demandée, quoi. Enfin, l'étude d'impact. Et ça a commencé à me déranger un petit peu. Moi, j'ai fait une école d'ingé où finalement, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait dans un champ, quoi. On a des connaissances très théoriques. Et moi, ça me dérangeait un peu parfois de donner des conseils à des agriculteurs alors que je connais rien par rapport à eux. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là. Hein. Il y en a, ça les dérange pas du tout. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Donc là c'est trop cool. Hein. J'apprends plein de choses sur l'agroéquipement, le travail du sol. Ça. La physiologie des plantes, il y a plein de trucs. Moi, j'ai fait un petit peu de biologie, mais c'était quand même très théorique. Là, c'est quand même vachement plus appliqué, plus concret, quoi. Donc non, c'est super enrichissant. Quoi que je fasse après, je pense que ça sera une super expérience. Alors Albertine. Voilà, un énorme chourave. Je sais pas ce qu'il fait là tout seul. Je demande. Mais Gaspard, en vrai, faudrait que je lui demande. Il fait des tests, non ? Ouais, il aime bien. Même nous, dans le plein champ, là, on était allé mettre quelques tomates en plein milieu, comme ça, voir comment elles se développaient toutes seules, sans irrigation. On les a mises, on a dû les mettre mi-avril. En fait, c'est des tomates qui ont repoussé de l'année dernière. Et il s'est dit, tant qu'à faire, autant les récupérer et voir ce que ça donne, quoi. Et ouais, il essaye de faire des associations, de pas forcément trop désherber, quoi. Certaines mauvaises herbes, entre guillemets, il les laisse en se disant que c'est pas non plus pas ce qui va prendre le plus de nutriments ou d'eau dans les sols. Et ça permet quand même une petite couverture du sol. On a planté, ouais, on a désherbé, on a paillé, on a récolté et on a bassiné le quotidien de Gaspard, quoi. Bassiner, c'est arroser les plantes, leur donner de l'eau. Tu regardes, en fait, en fonction de la planche, si elle est trop légère, ça veut dire que la plante a besoin d'eau. Donc tu mets ça dans la grosse bassine là-bas, c'est pour ça qu'on dit bassiner, je pense. Tu laisses les plants prendre l'eau un moment, puis voilà. On a pu planter en plein champ aujourd'hui, alors que depuis que je suis là, on est sous la serre, comme il fait pas très beau, puis il y a eu les seins de glace, les intempéries, du coup on pouvait pas se permettre de planter en plein champ. Surtout que... il y a des bâches, donc il suffit qu'il y ait des gros coups de vent et le plant, il crève. On a une mission mouton qui nous attend. Ah, cool. Ah, je vais aller enregistrer le Bah, qu'est-ce que tu vas préparer, Gaspard? La nourriture à mouton, pour les appâter. Et qu'est-ce qu'ils aiment? Les granulés. Ils mangent des céréales. Tu leur achètes des granulés? Ils mangent des céréales. On va piquer dans la bouffe du lapin. Ils préfèrent les granulés à l'herbe. Ouais. C'est comme si on leur donnait du crack. Alors, le but, ça va être de conduire les moutons dans le verger. Et donc, il va falloir canaliser les moutons qu'ils aillent par là-bas. Pas au fond, et là-bas. Donc moi, je vais essayer de les attirer avec le seau. Normalement, ils doivent me suivre. Mais ils peuvent être tentés d'aller n'importe où. Tiens, tu peux aller fermer la clôture en bois là-bas. Faut fermer le portail ici. Il y a un petit interrupteur. Tu fais quoi? Si la paroi latérale elle est baissée, les moutons ils vont passer par dessus, on est dans la merde. Donc là tu fermes la serre? Non, je leur monte suffisamment pour que les moutons puissent pas sauter. On a tenu un mouton un peu chaud. Donc je vous rappelle l'objectif. Là, s'ils vont par ici, ils sont baisés, ils reviendront parce que la zone est bouclée. Là-bas, il y a des barrières entre les deux serres. Dans le fond, ils peuvent un peu tourner en rond, mais ils sont baisés aussi. C'est là où c'est la configuration la plus chiante. Et on les amène là-bas. On les empêche d'aller ailleurs. Et du coup, vous serez en mode gardien de but. Ok, ça marche. Donc si t'as un mouton et qu'il essaye de te feinter, tu fais comme si t'as un ballon de foot. dans un premier temps, on va tous partir au sud. Moi, je reste là ou je... Ah non, tout le monde vient. Les rabatteurs vont les empêcher de fuir n'importe où. Et les autres vont les attirer en les empêchant d'aller n'importe où aussi. Il y en a qui sont devant et d'autres qui sont derrière. Ils peuvent se jeter contre des barrières, ils font vraiment n'importe quoi. Alors, notre cible se trouve là-bas. On va commencer par les entourer. Le but, c'est de les faire remonter doucement. Il y a un moment où ils vont essayer de nous la foutre à l'envers. Donc il y aura quelqu'un, mettons genre Marine, c'est toi la plus expérimentée. C'est toi qui les précéderas quand ils arriveront par là. Pas qu'ils retournent par là-bas, qu'ils repartent à gauche et qu'ils refassent un tour, parce que sinon on n'en sort pas. Et surtout, faut pas les stresser. Ah ouais. Quand ils sont en train de se bouger tranquillement, faut pas leur mettre la presse pour qu'ils aillent plus vite. Faut juste les accompagner peinard vers le haut de la parcelle. Donc là, vous allez commencer à vous répartir vers le bas pour les pousser par ici. Il y a de la boue. Allez, par ici. Ça a l'air de bien se passer. Là, il vous faut du monde. Vous êtes trop loin. Viens, pousse pas trop. Marie, viens avec moi. Non. Je t'ai dit, t'as l'air d'être trop vite. Là, ça se passe. Allez. Faut qu'il y ait quelqu'un qui passe par le bâtiment, mais dépêchez-vous. Ils peuvent passer par là-bas ou pas? Passer par le bâtiment, empêchez-les de passer par deux. Il y en a qui y vont là, c'est parfait. Mission accomplie. Et sur ces jolis bruits de pas et de moutons, nous quittons. Nous nous quittons. Merci à la guinguette en cavale de nous avoir accueillis ici. C'était super chouette. Vous êtes trop sympa. Vous êtes super accueillants. On a été pris par le temps pendant l'émission, du coup, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu passer. Oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu passer, notamment un son sur les glaces, Camille, que tu as fait, et un son aussi avec Olivier. Ouais. Bah, on a entendu les fromages, mais on n'a pas entendu Olivier. Ouais. Mais on a entendu des personnes qui sont venues sur le plateau, ouais, nous parler de la PAC, nous parler de la transmission, et on les remercie, et nous parler de la météo aussi. Du coup, on pourra réécouter l'émission sur notre site. Oui, on pourra. C'est lefray.com. Lefray.com. En attaché, il n'y a pas de... Ouais. L-E-2-F-R-A-I-E.com. Et on se quitte avec une petite musique. Donc, les tomates de Jacques Yari. Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour, ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaissent les patates pour ce fruit égarate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la, en reçu ce soir-là. Des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour, ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Ces mots. Supprimons la bomba, supprimons la la la, et remplaçons-la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. À la tombe qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez. Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé. Tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour. Radio. Circuit. Radio court-circuit. Avant de rendre l'antenne, on écoute quelques sons bonus et notamment des rencontres avec quelques producteurs qui étaient présents à la guinguette en cavale, Olivier le fromager et Joachim pour les glaces artisanales. Alors moi je fais de la tome de brebis, tome de chèvre, et après c'est le type morbier, et puis ça on peut appeler ça une tome parce que c'est affiné, mais à la base c'est une pâte molle, c'est un caillé humide. Tu vois, je suis obligé en fait de le sangler, si je le sanglais pas, il deviendrait, enfin, hyper fin, il s'étalerait quoi. C'est fort. Il y a à peu près suivant la période de l'année, entre 1 tonne et 2 tonnes de fromage qui affine. Il faut que je me repère. Dans le dédale, ça n'a pas vraiment besoin. Ça, c'est une petite pâte molle, avec un cerclage en épicéa. C'est affiné 2 mois. Donc, c'est une croûte lavée. Pendant son premier mois de vie, elle est frottée une fois par semaine. Ça permet d'apporter des levures et pour donner du goût, et également d'apporter une bactérie qui permet de donner un peu de couleur et de créer un peu de relief comme ça. Là. Une croûte un peu typique. C'est lunaire. Quoi. C'est un beau gâteau celui-là, hein. Il y a du relief. En ce moment, j'arrive à avoir une croûte qui est bien en relief comme ça. Tout ça, c'est venu parce que je l'ai frotté, parce qu'il y a eu les bactéries. Et je commence ma 6e année en tant qu'artisan fromager. J'étais éducateur. On est encore un peu dans le soin, dans la prise en charge et tout ça. J'humidifie, je fais le tour sur le côté, en haut et en bas, et voilà, je repose. Ce qui est important, c'est surtout de les décoller. Ça permet d'oxygéner la partie qui est contre la planche. Okay. Sinon, il n'y a pas de vie. Et il faut de la vie. C'est pas un peu spécial de bosser qu'avec des choses complètement invisibles? Bah non, c'est du concret, là. Non, effectivement, là, les levures, c'est... Mais en tout cas, leur travail est visible. Est-ce que tu dirais que c'est toi qui fais le travail ou c'est le microorganisme? C'est une association complémentaire. Moi, je les aide, je leur donne les bonnes conditions d'humidité et puis de bactéries pour que tout se passe bien à l'intérieur. Parce que du coup, ce que je vais faire, là, les levures que je vais mettre, ça va contribuer à développer les arômes. Qui se crée parce que les bactéries vont être aussi sur les planches. Entre chaque fabrication, tu vas laver les planches, mais naturellement, le biotope, hein, les flores sont là, et donc ça contribue à réensemencer le fromage. Par exemple, les tomes de brebis, elles ne sont pas censées être oranges, mais parce que j'ai utilisé ces planches-là pour le morbier, elles deviennent oranges. Et j'ai rien fait pour, mais... C'est la magie. Donc là, je les décolle juste et vendredi, quand je vais ramener les suivants, je vais saler l'autre côté. Donc là, il faut juste décoller histoire que ce soit un peu moins dur en fin de semaine. Ça peut abîmer le fromage s'il est trop collé. Tout ça, c'est des brebis. On est au 1er mars, j'en ai fait à peu près 2 fois par mois. Donc là, il y a à peu près 500 kilos qui affinent tranquillement. L'idée, c'est de les vendre à partir de 3 mois jusqu'à 5-6 mois. Que j'aime bien quand même, c'est la vente sur les marchés. fais deux marchés par semaine, à Bazouges-sous-Aidé et à Saint-Germain-sur-Ille. Et c'est là où on a les retours, on a des clients, où on sait si le fromage plaît ou s'il y a eu des défauts. Enfin, c'est plutôt gratifiant, ça donne envie de, bah de, voilà, de continuer et de faire de mieux en mieux. Radio. Cours. Circuit. Radio court-circuit. Là, je verse une préparation dans le pasteurisateur. Parce que la première étape, quand on fait de la glace, c'est de pasteuriser la préparation. Pour ensuite la turbiner. Pour qu'il n'y ait aucun risque sanitaire et qu'on puisse la conserver 2 ans. D'ailleurs, on peut aller les voir hein, si tu veux voir tous les parfums. Ouais. Là, on est sur une ferme laitière avec un troupeau laitier et puis un peu d'élevage porcin en bio. Mon père a repris la ferme, elle était en conventionnel, elle n'était pas en bio. Et il a converti la ferme en bio en 2007. En fait, il y a une grosse difficulté pour les éleveurs laitiers, en tout cas, pour passer en bio, c'est la peur de maîtriser le salissement du maïs. Parce que le maïs, c'est une culture qui se fait pas mal en élevage. Et on a peur, quand on veut passer en bio, on se dit « mince, comment je vais gérer sans les herbicides, quoi ?» Après la conversion, ils se sont rendus compte que ça se faisait assez bien. En fait, c'est juste qu'il faut acquérir d'une nouvelle technique, quoi. Mais ça se fait plutôt bien, ouais. Et la glace, on l'a démarrée en 2016 avec l'installation de ma mère sur la ferme. L'idée, voilà, c'était de transformer une partie de la production laitière en glace, parce que c'est un produit qui est assez chouette. Et à l'époque, il y avait très peu d'agriculteurs à faire de la glace, donc c'était assez intéressant de partir sur ce produit-là. Dès qu'on arrive le matin, on stérilise la machine, on met de l'eau, ça chauffe à 95 degrés. Et donc là, elle est clean, on peut commencer à travailler. Donc après, on va chercher du lait dans le tank de la ferme. La crème, on l'a écrémée la veille. Donc elle est déjà prête, elle est au frigo. Et ensuite, donc il y a une personne qui prépare les recettes. Et puis il y a une personne à remplir la machine, à mettre en route la pasteurisation, ensuite sa turbine. Ensuite, on met en pot. Une fois que la glace sort de la machine. Et donc on renouvelle ce processus entre 15 et 20 fois dans la journée. De 9h, 8h30 du matin à 17h, quoi. Et ensuite on a une heure de lavage. Confronté à toi un truc que tu retrouves sur la ferme et de dire tiens qu'est-ce que je pourrais faire avec, et c'est quelque chose que j'aime bien faire, quoi. Où il y a un collègue qui fait du gin, tiens, et puis là finalement j'ai réussi à associer la baie de sureau sur la ferme et le gin de Awen Nature. J'ai rencontré quelqu'un qui torréfie de l'orge et du sarrasin et on a fait une glace à l'orge et au sarrasin. C'est comme ça qu'on est venu en faire. J'ai rencontré quelqu'un qui fait du gouel et c'est comme ça qu'on a commencé à faire une crème glacée au gouel. On fait un sorbet aussi à la goyave qui est produite à côté de Fougères. J'aurais jamais eu l'idée de faire ce truc-là si j'avais pas rencontré cette personne-là. Donc c'est assez sympa, quoi, de développer ce réseau d'artisans, quoi, de producteurs, et de développer des choses avec eux, des choses assez originales et tout. Ouais. Les saveurs du coin, quoi. Je pense que les gens, en tout cas les consommateurs, vont de plus en plus vers les produits locaux, les produits plus artisanaux, confectionnés par des agriculteurs ou par des artisans. Je pense qu'il y a, une grosse mouvance comme ça qui revient en ce moment. Et du coup, on arrive. Nous, on a développé les glaces juste au moment et on est parti sur le bio aussi. Ça a vraiment concordé avec ce retour vers, quelque chose de plus naturel et plus local, quoi. Donc on est vraiment, on se sent vraiment dans le, mouvement, dans le, les attentes actuelles, quoi. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de soucis pour, notre activité en tout cas. Au départ de, mes parents, il faudra trouver quelqu'un pour continuer l'activité laitière et continuer les glaces. Enfin, moi, je serai encore là pour les glaces et pour le lessive. Il faut un petit peu, quoi, mais surtout les glaces pour continuer, ouais. C'est compliqué de, tout faire, quoi. Que ce soit l'atelier transfo que l'atelier de laitier, en fait, il faut avoir une personne qui soit dédiée à 100% là-dessus, qui prenne en charge ça, parce que c'est quand même assez prenant en termes de responsabilité et tout. On peut pas. Donc, je préfère trouver quelqu'un qui soit à 100% sur l'élevage, qui prenne ça en charge, et moi qui gère les glaces.